Words and weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes me wonder, wonder. But here comes the man with a look in his eye. It's fair on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eye. You're uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Ooh. Flesh on the mind. Words and weapons, sharpen the knives. Makes you wonder how the other half died. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, every single one of us, the devil inside. Oh. Celle de leçon pop rock d'Inexcess, Devil Inside sur Devil. J'étais sûr que tu allais me reprendre de bon matin. Devil. Est-ce qu'on se dirait pas bonjour déjà? Bonjour Grégory Hacher. Bonjour Justine Salmon. Bonjour Thomas. Comment ça va? Ben ça va. Tu sais, j'ai toujours cette angoisse quand il y a un titre en anglais juste avant de te rendre l'antenne. Alors, il y a une astuce. Quand t'as un Grégory Hacher à côté de toi, t'as une astuce. Manger un arabe. Non. T'as une astuce, petit copain. C'est d'aller voir Jérémy, notre réalisateur qui est en vacances, qui fait les English lessons et qui te donnera des leçons à partir de septembre prochain, bien sûr qu'il le fera. Là, c'est Nico qui est aux manettes, c'est pour ça. Mais là, il peut pas te faire, Nico, les English lessons, c'est un truc de Jérémy. La prod américaine, on l'appelle Nico, faut le savoir. Ah, bien sûr, on a un américain en commande. On te souhaite une bonne nuit également. Allez, à demain. Salut. Bonjour, les copains du matin. Allez, bon courage, il est 6h. C'est le double expresso RTL2. RTL2. 6h19, faire les premières infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Les champions du monde sont rentrés au pays, mes enfants. Les Bleus ont fêté leur titre hier soir face à des centaines de milliers de personnes venues les acclamer. Une foule bleu, blanc, rouge rassemblée depuis des heures sur les Champs-Élysées. Comme leurs aînés en 98, ils ont descendu l'avenue sur un bus à Impérial. Direction ensuite les jardins de l'Élysée où les attendaient 3000 invités, dont des centaines de jeunes venus des clubs de foot formateurs de l'équipe de France. Une petite fausse note, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour de l'hôtel Crillon en espérant apercevoir les Bleus, sauf que ils ne s'y sont jamais rendus. Des supporters s'en sont alors pris aux forces de l'ordre et les CRS ont évacué la place de la Concorde. À noter que les gardes à vue de 31 personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences de la veille à Paris ont été prolongées. Après le foot, place à la politique. Emmanuel Macron reçoit ce matin à l'Élysée l'ensemble des partenaires sociaux. Une première, cette réunion avec les syndicats et le patronat doit durer 2 heures. Le chef de l'État veut faire le point sur les grands chantiers de la rentrée, le plan pauvreté, l'assurance chômage ou encore les retraites. Emmanuel Macron qui pourra assister au débat des parlementaires après son intervention devant le prochain congrès. Les députés ont voté cette nuit la mesure inscrite dans le projet de révision de la Constitution. De nombreux élus de l'opposition y voient plutôt un comportement autoritaire et une atteinte à la séparation des pouvoirs. À l'étranger, Donald Trump, critiqué, y compris au sein de son propre camp, après sa rencontre avec Vladimir Poutine. À l'issue de leur première tête-à-tête officielle hier en Finlande, le président américain a refusé de condamner la Russie pour son ingérence dans l'élection qu'il avait portée au pouvoir en 2016. Au contraire, le patron de la Maison-Blanche a opté pour un ton très conciliant avec le Kremlin et s'en est pris au FBI. En cyclisme, ça y est, après une journée de repos, le Tour de France part à l'assaut de la montagne. Au programme de cette 10e étape, 158 km entre Annecy et le Grand Bornand, les coureurs devront faire face à 5 difficultés, dont le col du Bluffy cassé en 4e catégorie. Oui. Et c'est le Belge, pas vous, mais comme porte votre nom, Greg Van Avermaet, qui est toujours en jaune. Bravo. Mais j'ai de très beaux mollets, moi aussi. Hein. Oui, moi, je peux grimper. Moi, la petite reine, c'est mon truc. La météo, globalement, le temps sera moins instable qu'hier. Dans la matinée, il y aura encore un risque de bouché à la reine, plutôt. C'est bon, ça. Du Grand Est à la Franche-Comté, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine. L'après-midi, seule l'Alsace, le relief des Vosges et du Jura resteront exposés aux averses, voire à un risque d'orage. Quelques gouttes seront possibles également sur les Alpes et les Pyrénées. Partout ailleurs, on attend de belles éclaircies, particulièrement autour de la Méditerranée. Les températures ce matin, il fait 16 degrés à Arras, Mulhouse, Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence, 17 à Paris et Poitiers, 18 à Toulouse, 19 à Corté et 20 degrés à Lannion. L'après-midi, on attend 23 degrés à Amiens et Rennes, 24 à Limoges, 25 à Paris, 27 à Metz, 28 à Bordeaux, 30 à Gap-Draguignan. 6h02, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On est de retour, mardi 17 juillet, c'est le double expresso RTL2. Et on est toujours champion du monde. Ah bah on va l'être pendant 4 ans et demi, ouais. Je te le dis là, on va être les champions du monde les plus longs de l'histoire. Comme la prochaine coupe du monde, ça sera en hiver, c'est bon. Hein. Fierté absolue. Et heureusement qu'on n'était pas là hier, enfin on vous raconte après Muse. Fragments and scattered debris. Fall down, alone, when to count it out. Pop me up before I black out. Withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. A true believer, you've been bitten by. Contagion sur RTL de 6h06. Grégory Hacher et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. Oui, oui, oui, et on attaque nous notre semaine à mardi. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. La, la, la. La, la. La, la. Ah, on l'a tellement chanté. Oh, mais on l'a beaucoup fêté. Voilà, alors, je tiens tout de suite à préciser aux mauvaises langues qu'on avait prévu de prendre ce jour de congé du lundi avant la victoire en Coupe du Monde. C'est parce que comme nous travaillons ce week-end pour le festival Lollapalooza, on ne peut pas travailler 7 jours sur 7, on vous cache rien. Et donc, du coup, ça tombait bien. Oui, c'est pas qu'on s'est pas réveillé ou qu'on avait fait trop la fête. Bon, ça, on a fait la fête, forcément. Beaucoup fait la fête. On va quand même saluer toute l'équipe qui a fait la fête aussi, mais qui évidemment est fidèle au poste ce matin. Ah, bah tiens, il y a Nico qui a remplacé Jérémy. Bonjour. Bonjour Nico, ça va? Ça va bien. Il y a Nico qui travaille généralement avec Francis Zégut le soir, pour tout vous dire. Donc là, évidemment, normalement, il commence sa nuit. Là, il est un peu décalé. Là, il est un peu en jet lag, Nico. Ah, il est bien, il est bien. Bonjour Max, aux réseaux sociaux. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et puis il y a Vivi au standard jeu au 32-28 et Jules qui traîne dans le coin. Ça va, Justine? Oui, bah, en pleine forme. Moi, je sais pas, ça m'a donné un sourire non-stop cette Coupe du Monde. Ouais, on se souviendra tous avec qui on était, où on était. Ouais, c'est historique ce qu'on a vécu quand même. C'était vraiment bien. Et puis ça va continuer. Il y aura encore un peu d'euphorie. Il y aura les vacances qui vont arriver, évidemment. Et puis le son pas proc d'RTL2. Calogero, Avril Lavigne, Joan Jett et puis Counting Crows. Voici Mr. Jones. Je vous donne le sommaire de l'émission après, mais pour le moment, on va l'écouter faire ses. Oh, oh là là là là. Sur RTL2. Bonjour. Counting Crows, Mr. Jones, dans le double expresso RTL 2 à 6h11, parce que du coup, tout à notre joie d'expliquer un petit peu cette victoire en Coupe du Monde, on n'a pas donné le sommaire, Justine. Alors vas-y, on t'écoute. On va y revenir un peu à 6h18, la journée des Bleus avec quelques chiffres et infos insolites, évidemment. Il y aura l'horoscope à 6h25, avec toi à 6h35, un winner. Alors lui, il est solide. Et puis 6h55, le journal des festivals. Pour le son pop rock, Joan Jett va arriver. I love rock and roll, Avril Lavigne et Calogero sur RTL 2. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL 2 Summer Party. Mix pop rock avec Loran et RNP. Pour un début de soirée up tempo. RTL 2 Summer Party, tous les soirs à 19h. Montez le son. Tous les jours, partout en France. RTL 2, le son pop rock. Ça, c'est le dernier iPhone. Like Boys, sur RTL 2. C'est le double expresso RTL de bonjour France, championne du monde. Bonjour Justine. Bonjour Greg. Toi, tu es championne du monde. Tu es champion du monde. Toi, tu es champion du monde. Vous êtes tous champions du monde. On est champion du monde. Voici Joan Jett, I love rock and roll. Avant l'info expresso sur RTL 2. Be long, he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long, he was with me. Smile so and ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. I love rock and roll sur RTL2. L'info de l'été du double expresso RTL2. L'info expresso, tous les jours, on fouille la presse et on fouille le web pour vous trouver justement le meilleur. Bon, on s'est pas beaucoup embêté. On avait envie de revenir sur le titre de champion du monde. C'est obligatoire. Ben, bien sûr, c'est obligatoire avec des petits chiffres. Alors déjà, parmi les initiatives qui, moi, m'ont plu, j'imagine que vous aussi, vous l'avez sans doute vu, même si vous n'êtes pas à Paris, c'est les stations de métro rebaptisées. Je trouve que ça marche à chaque fois. Oui, je crois que c'était une blague, mais non. Non, Victor Hugo Lloris, tout ça, ça me fait beaucoup rire, moi. Franchement, je trouve ça extrêmement sympa, notre Didier Deschamps. Didier des Champs-Élysées. Enfin bon, il y a plein de trucs vraiment très sympas. Je trouve ça Bercy les Bleus. Au lieu de merci, t'es un peu enrhumé. Bercy les Bleus. On est content, c'est vachement c'est bien. Mignon. La Poste également a fait un titre exceptionnel, un tirage exceptionnel. Elle a sorti hier, spécialement pour l'occasion, une série de 4 timbres collector. 5 euros sur le site internet de La Poste, aux couleurs des Bleus et des Champions du Monde avec des merci. Je trouve ça plutôt sympa cool. Pour les gens qui sont collectionneurs. La Joconde, autre icône, elle a craqué. La Joconde a été emportée par la folie autour des Bleus. Mona Lisa, qui a quand même connu quelques trucs depuis le temps, elle est apparue dès dimanche soir sur le compte Twitter officiel du musée du Louvre, revêtue du maillot bleu, plutôt que d'avoir sa toge habituelle. Et il y avait les deux étoiles avec marqué félicitations. Je suis pas sûr que Léonard de Vinci avait prévu les deux étoiles. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des choses qui nous ont amusés. À Zagreb aussi, nos amis croates qui ont été battus, c'était un truc de dingue. Plus de 300 000 personnes sur un pays de 4 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'il y a quand même quasiment 10% du pays qui faisait la fête avec les joueurs dans la capitale. Et puis ce soir, si vous voulez prolonger un peu l'aventure, sachez qu'il y a deux documentaires qui sont consacrés à l'épopée des Bleus. Sur M6, ils célèbrent les supporters. Ce soir, deux documentaires. Champion du monde, la France en fête à 21h, compilation des vidéos tournées des supporters français. Et puis derrière également, un film d'1 heure qui vous permet de revivre la finale du côté des fans de la capitale. On n'a pas fini. Hein. Voilà. Et sur TF1, une sorte des yeux dans les bleus modernes, on va dire. Voilà. Le documentaire exceptionnel qui révèle les coulisses de la deuxième étoile de l'équipe de France avec des images exclusives. Et Greg, toi, en tant que grand fan de foot, est-ce que tu as déjà ton maillot avec deux étoiles? J'ai passé ma journée à faire refresh sur le site de Nike pour essayer de l'avoir. J'ai tenté tout ce qui était possible de faire, tous mes réseaux. Tous mes réseaux, même à l'équipe, partout. Et non. J'attendrai. Et finalement, c'est pas plus mal comme ça. What she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one. But you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't. Tell me, what is it gonna make things so bad? like you're something else. Where you are and where it's at. You see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Avril Lavigne, Complicated dans le double expresso RTL de 6h24, c'est l'heure de l'horoscope. On y va, Justine, avec les médailles de bronze et les lions. Les lions, eh bien, vous n'avez aucun filtre aujourd'hui. Ça serait bien que tu retrouves l'horoscope. Faites attention à ne pas blesser les gens que vous aimez, vous pourrez le regretter. Les ça poissons. Gérez votre budget, vous faites trop d'écart. C'est bien de se faire plaisir, mais tout de même, attention. Les médailles d'argent, les béliers. Le retour d'une personne perdue depuis quelques temps va vous combler. Les taureaux. Vous assurez vos arrières, rien ne pourra vous dévier de votre route. Les gémeaux. Peu importe les critiques, vous êtes à la cool, vous prenez tout du bon côté. Vierge. Vous inspirez le respect, personne ne vous fait face. Nous avons ensuite les balances. Vous savez enfin ce que vous voulez et qu'est-ce que ça fait du bien. Bah oui, les scorpions. Votre pouvoir de persuasion fait son effet, on vous sait tout. Sagittaire. Vous sortez de votre petite routine et ça vous plaît plus que vous ne l'auriez pensé. Capricorne. Les sorties, les amis, la musique, voilà qui fait votre bonheur en ce moment. Vous vivez comme bon vous semble. Verseau. Vous allez enfin vous épanouir au boulot et ça se ressent déjà dans votre travail. Et la médaille d'or du jour, c'est pour vous les cancers. Vous êtes dans une forme olympique les cancers. Prêt à tout affronter aujourd'hui, rien ne vous résiste. Bonjour, c'est le double expresso RTL 2, 6h25. Voici Calogero, volé de nuit. Bon réveil. Je transporte. Je rêve. volet de nuit dans le double expresso RTL 2 à 6h28. Tiens, on va parler sport, Justine, avec un des sports que tu aimes le plus au monde ou pas, presque. Je viens de trouver le sport que je ne pratiquerai jamais. Hein, simplement, ça se passe en Finlande. Voilà, ne loupez pas ça, puis on écoutera Nirvana aussi. Je rigole parce que je viens de voir le sport. Ah, c'est drôle. Tu serais bien à faire ça comme As You Are sur RTL 2 à suivre avec vos infos. Bougez pas. Partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tentez par une tablette ou un Mac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Il est 6h30, bon réveil avec le double expresso RTL 2. C'est l'heure des infos, tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Et un retour triomphal pour les Bleus. L'équipe de France a fêté son titre hier soir face à des centaines de milliers de personnes venues les acclamer. Une foule bleu-blanc-rouge rassemblée depuis des heures sur les Champs-Elysées. Comme leurs aînés en 98, ils ont descendu l'avenue sur un bus à Impérial. Direction ensuite les jardins de l'Elysée où les attendaient 3000 invités, dont des centaines de jeunes venus des clubs de foot formateurs de l'équipe de France. Une petite fausse note, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour de l'hôtel Crillon en espérant apercevoir les Bleus, sauf qu'ils ne s'y sont jamais rendus. Des supporters s'en sont alors pris aux forces de l'ordre et les CRS sont évacués à la place de la Concorde. À noter que les gardes à vue de 31 personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences de la veille à Paris ont été prolongées. Eux aussi ont été fêtés en héros. Arrivés à l'aéroport, les Croates ont été accueillis par plus de 500 000 personnes, soit entre 10 à 15% de la population du pays, du jamais vu. Le bus à Impérial des vice-champions du monde a mis 5 heures pour rejoindre Zagreb. En revanche, fin de mondiale moins joyeuse pour les Pussy Riot. 4 membres du groupe féministe russe anti-pouvoir ont été condamnés à 15 jours de prison hier. Dimanche, lors de la finale, ils étaient descendus sur le terrain habillés en policiers pour demander la libération des prisonniers politiques. Dans le reste de l'actualité, la France s'engage à accueillir 50 migrants arrivés hier en Italie. Au total, ils sont 450 à avoir été secourus en mer, originaires d'Érythrée et de Somalie pour la plupart. Ils ont été très affaiblis par leurs conditions de détention en Libye. 4 autres pays, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et Malte, promettent d'en faire de même. Les syndicats et le patronat réunis ensemble à l'Élysée. C'est une première dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles seront reçues dans la matinée durant 2 heures. Au menu des discussions, l'assurance chômage, les retraites, le retour à l'emploi, la lutte contre la pauvreté ou encore la santé au travail. Et puis après un premier jour de repos à Annecy, place à la 10e étape du Tour de France, au programme 158 km entre Annecy et le Grand Bornand, dont le col de Bouffy, classé en 4e catégorie. La météo des plages, globalement, le temps sera agréable aujourd'hui sur les côtes du pays, malgré quelques nuages sur la façade ouest du pays, un risque de pluie le matin en Nouvelle-Aquitaine. Cet après-midi, on attend 20 degrés au Touquet, une mer à 18 degrés. En Bretagne, comptez 22 degrés à Brest, température de l'eau 18 degrés. Dans le golfe de Gascogne, il fera 25 degrés à Lacanau, avec un océan à 22 degrés. Du côté de la Méditerranée, il fera beau et chaud, jusqu'à 34 degrés au meilleur de la journée, à la Grande Motte, avec une eau à 24 degrés. Enfin en Corse, on attend jusqu'à 30 degrés à Porto Vecchio cet après-midi et une mer à 26 degrés. h32, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour les copains du matin, vous qui aimez le son pop rock, vous êtes au bon endroit au bon moment. Mardi 17 juillet, c'est le double expresso RTL de l'été. Bonne fête Chacha. Charlotte. Ouais, c'est à Saint-Charlotte. Ouais, wow, bien joué. Nirvana, comme As You Are sur RTL 2. As you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as I'm as a friend, yes I'm known in me. sur Unplugged, on est les seuls à vous offrir cette chanson de Nirvana. Comme ça, c'était comme As You Are sur RTL 2, 6h36. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Ce matin, Justine vous offre un sport insolite. Oui, j'ai trouvé le sport concept le plus absurde et qui ne met pas du tout en valeur les femmes. Hein. C'est limite sexiste. Sur biba.fr. Ah oui. C'est une course d'obstacles, en fait, avec une femme sur le dos. Et je vous jure, c'est une compétition qui existe et qui se déroule chaque année en Finlande. Ça arrête. C'est la 23e année. Ça a eu lieu là les 6 et les 7 juillet dernier. Il y a 53 équipes quand même venues de 13 pays différents, donc c'est très sérieux. Ils parcourent une distance de 253 mètres, donc qui mêle course de haie, course dans l'eau, course dans le sable, et le tout sans faire tomber sa partenaire sur le dos. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il y a plusieurs méthodes. Bien sûr. Dans le dos, sur le dos, obligatoirement, on ne peut pas la porter façon mariage. Donc. Bah non, si je te dis c'est sur le dos. Mais j'essaie de tricher, moi, tout de suite. Il y a la méthode du vulgaire sac de pommes de terre, donc qui consiste à porter la femme sur une seule épaule. Ah ouais, okay. Ouais. Et moi, j'appelle ça la technique du rototo, comme quand t'as un bébé. Hop, hop, hop. Ouais, c'est vrai. Mais celle des gagnants, c'est la méthode dite à l'estonienne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les jambes de la femme qui sont accrochées à la tête de son partenaire. Elle a la tête en bas en pendu, et le visage contre le corps. En pendu. Voilà. Alors du coup la tête, bon bref, bon, bah, vous laissez imaginer où tombe la tête de madame. Donc il y a quand même des règles à respecter pour participer à cette superbe compétition. Il faut avoir au moins 18 ans et peser au maximum 49 kilos. Donc je suis éliminée déjà. Ah ouais, beaucoup de gens quand même sont éliminés. Oui, bah oui, parce que 49 kilos, oui. Ouais, c'est pas lourd. Hein. Cette année, c'est un Lituanien qui a remporté la compétition, voilà. Ah, bravo, bah, félicitations à lui, hein. Quelle belle fierté, j'imagine. Bon, après, je pense qu'il faut le prendre au deuxième, troisième, quinzième degré. Oui. Et pas comme une course où les hommes portent des femmes. Je pense que vraiment, c'est délire de. Ben, d'alcoolique, disons-le. Bravo, c'est pas bien de faire ça. C'était où, en Finlande? C'est en Finlande. Non, mais c'est quand même ce que je te disais, la 23e édition. Hein. On vous poste ça sur la page c'est Facebook. Dingue. J'ai hâte de lire vos commentaires, tiens. On va écouter Coldplay Clocks à 6h38. Merci de vous réveiller avec le double expresso RTL 2 de l'été. Let's go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against put me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my head and a trouble that can't be named. A tiger's waiting to be tamed, singing. Sur RTL 2, c'était Clocks. Il y aura Queen dans quelques secondes. I want to break free. Du coup, on va tester notre réalisateur du moment. C'est Nico, parce que Jérémy est en vacances. Comment tu prononces ce titre? I want to break free. Ah ouais, mais c'est. Ah, Nico, c'est un Américain. Mais Nico, ouais. Nico, c'est un Américain, ça lui change. J'ai rien à faire avant ton bafouille. Là, c'est un Américain. Voilà, on a le réalisateur de Zégut. Tu vois, le gars, c'est Route 66, quoi. Et puis, il y aura le journal des festivals, là, tout de suite, sur RTL2. Oh yeah! T'es un Américain, toi. Hein. Oh yeah! Ah. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Portugal de Man. Alice Merton, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Ed Sheeran. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Garder des vieux balais d'essuie-glace sur un pare-brise neuf, c'est pas sérieux. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace avant Bosch sont gratuits. Vous imaginez ? Gratuit. Une promo comme ça, faut pas la rater. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 21 juillet. Carglass répare, Carglass remplace. Voir conditions sur carglass.fr. Et maintenant, la météo avec la paire. Le temps sera calme et ensoleillé avec un ciel dégagé sur l'ensemble du magasin. Prévoyez un petit détour dans la partie cuisine pour découvrir des prix très lumineux. Jusqu'au 6 août, ce sont les beaux jours des prix bien faits chez La Paire. Et on vous offre moins 15% sur une sélection de meubles de cuisine. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet les plus belles phrases. Je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles. Écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north. Tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon. Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Tout se donne. Embrasser le monde entier. We are from the north. We came from the south. We are the nation. C'est le double expresso RTL2 de l'été. Bonjour à tous. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. J'ai un petit chiffre, un chiffre qui donne le sourire pour vous ce matin. La France arrive 23e au dernier classement réalisé par l'ONU des pays les plus heureux au monde. Ah bah c'est pas... Il faudrait qu'on soit content. On gagne 8 places par rapport à l'an dernier, c'est pas mal. Ah, parce que sinon c'est nul quoi. Eh hey, les gars, hey, on est 147ème. Bah je sais pas, tu l'as pas bien... Bah si, je l'ai bien vendu. T'aurais pu nous dire, on a progressé, là tu es on est 23ème sur 24. Mais tu es exigeant. Eh bah c'est pour ça que je suis que 23ème du classement, je suis désolé. I want to break free. I want to break free. Since I was a young boy, in this world, everything's as good as bad. Now my father told me, always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Whoa. Charlie Winston, Like a Hobo, dans le Double Expresso. C'est le journal des festivals tout l'été. Ça va se passer en musique et on vous dit tout. Allez, on démarre avec le festival Le Mas des Escaravatiers à Puget-sur-Argence, dans la région PACA, qui recevra jeudi Eddy de Préto, C'est la Sou, samedi. Et le 26 juillet, Olysses. Les Nuits de Fourvière continuent à Lyon. Le 20 juillet, il y aura Ibeyi. Le 23, avec Julien Doré. Puis le 26, ce sera Jane. Et on part du côté du Pays de la Loire maintenant, à Saint-Malo-du-Bois, pour le festival de poupées. Hmm. Demain, vous pourrez retrouver Arcadiane. Jeudi, il y aura Louane et Alioz. Dans le Double Express ou RTL2, dans les invités du vendredi, hein, vendredi. Et enfin, Jane sera là le 21 juillet au festival de poupées. Et puis, Justine, plus que quelques jours avant le festival Lollapalooza, oui, qu'on vous fera vivre en direct ce week-end. On sera bien entouré. Il y aura Depeche Mode, Kaleo, Bastille, Gorillaz, Killer, Noël Gallagher, Rag & Bone Man et puis Bébé Brune aussi. Garçon pyromane sans plus s'en aller vers le sud. On vous prépare deux émissions spéciales avec les diffusions des concerts, des interviews, plein de surprises. On sera au cœur de la foule. Bref, ça va être génial. Ça va être chouette, ouais. Deux émissions spéciales ce week-end à vivre en direct seulement sur RTL2. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. C'est Phil dans le double expresso RTL2. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais on va jouer évidemment ce matin, Justine. Ce sera dans un peu moins d'une heure, aux alentours de 7h45. Ce sera la roue pop rock. Hein. Avec à gagner une console PlayStation 4 à l'occasion de la sortie du film Ant-Man et la Guêpe. Oui, un nouveau, voilà. Nouvel épisode de l'homme qui devient tout petit. Tu l'as déjà vu ou pas? Tu connais? Non, je ne connais pas. Il devient pas tout petit comme dans Marvel. Enfin, c'est un personnage Marvel, un super héros. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas, on vous offre une PS4 à l'occasion de la sortie de ce film. Un seul numéro de téléphone pour jouer avec nous. C'est Vivi qui vous attend au standard jeu. Et c'est le 32-28. Vivi, t'es en forme ou pas? T'es prête à recevoir plein de coups de fil, tu le sais ça? Oui, j'attends plein plein d'appels. On écoutera 400 choses dans quelques secondes. Keep on dancing, il y aura également Genesis, Foster the People, Jean-Louis Aubert. C'est le double expresso RTL2 de l'été. On est le mardi 27 juillet, bonjour à tous. L'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tenté par une tablette ou un Mac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo, vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Bonjour, c'est Xavier Demoulin. 20 ans après France 98, la France remporte la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Des milliers de Français ont enregistré avec leur smartphone des moments étonnants vécus durant cette journée. Nous avons compilé ces vidéos dans un documentaire original et unique. Cette victoire, c'est celle de toute la France. Ce documentaire, c'est celui des Français. Champion du monde, la France en fait, c'est ce soir à 21h sur M6. C'est bon début de journée. Vous êtes sur RTL2, il est 7h. Avant d'écouter 400 choses, vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Selfie, pas de danse, dab et chant improvisé. Les Bleus ont fait le show à l'Elysée hier soir aux côtés du couple Macron. À leur arrivée sur le perron, ils ont repris le I Will Survive de 98. S'en est suivi une Marseillaise a cappella avec un Paul Pogba survolté, puis une séance d'autographe. Un millier de jeunes footballeurs issus de leur club de formation étaient présents. Auparavant, c'est sur les Champs-Elysées que les champions du monde ont défilé. Des centaines de milliers de fans les attendaient depuis des heures, mais beaucoup sont repartis déçus en cause un retard de plus d'une heure et demie sur l'horaire prévu, un passage jugé trop rapide pour les supporters qui étaient à Concorde. Ça a carrément été la douche froide puisque le bus à Impérial des Bleus n'est finalement pas passé par l'hôtel Crillon. S'en sont suivis quelques débordements et la place a été évacuée. Après le foot, retour à la politique. Emmanuel Macron recevra dans 2 heures maintenant à l'Elysée l'ensemble des partenaires sociaux. Une première, cette réunion avec les syndicats et le patronat doit durer 2 heures. Le chef de l'État veut faire le point sur les grands chantiers de la rentrée, le plan pauvreté, l'assurance chômage ou encore les retraites. Emmanuel Macron qui pourra assister au débat des parlementaires après son intervention devant le prochain congrès. Les députés ont voté cette nuit la mesure inscrite dans le projet de révision constitutionnelle. Les élus de l'opposition y voient plutôt un comportement autoritaire et une atteinte à la séparation des pouvoirs. À l'étranger, Donald Trump critiqué, y compris au sein de son propre camp, après sa rencontre avec Vladimir Poutine. À l'issue de leur premier tête-à-tête officiel hier en Finlande, le président américain a refusé de condamner la Russie pour son ingérence après l'élection qu'il avait portée au pouvoir en 2016. Il s'en est même pris au contraire au FBI. Retour au sport avec une page qui se tourne pour Thierry Henry. L'ancien attaquant des Bleus et membre de l'encadrement de la Belgique va quitter son poste de consultant pour la chaîne britannique Sky Sports. Il souhaite, dit-il, consacrer tout son temps à son ambition, devenir entraîneur. En cyclisme, enfin ça y est, après une journée de repos, le Tour de France part à l'assaut de la montagne. Au programme de cette 10e étape, 158 km entre Annecy et le Grand Bornand. Descendre de la montagne à cheval. La météo, globalement, le temps sera moins instable qu'hier. Dans la matinée, il y aura encore un risque de pluie du Grand Est à la Franche-Comté ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine. L'après-midi, seule l'Alsace, le relief des Vosges et du Jura resteront exposés aux averses, voire à un risque d'orage. Quelques gouttes seront possibles également sur les Alpes et les Pyrénées, partout ailleurs. On attend de très belles éclaircies, particulièrement autour de la Méditerranée. Les températures ce matin, il fait 15 degrés à Montauban, 16 à Épinal, Lyon et Aix-en-Provence, 17 à Dunkerque, Paris et Poitiers, 21 à Bastia et Saint-Malo. L'après-midi, on attend 23 degrés à Amiens et Rennes, 24 à Limoges, 25 à Paris, 27 à Metz et 34 à Draguignan. 7h03, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour les copains, c'est le double expresso RTL de l'été. 4 centuries, keep on dancing, tout va bien. Ils seront en Belgique pour le festival Francopholis d'OFPA ce vendredi. Ils reviennent en France le 28 juillet pour le festival L'été à Pau. Tous les matins, 6h-9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. Bonjour à tous, c'est Grégory Hacher. Oh, vous êtes Justine Salmon. Oui, bonjour, ah, salut Greg. Oh, je vous adore. Je vais faire un selfie avec vous. Bien sûr, oh, avec plaisir. Ça, 7h06, bonjour. On est en pleine forme, on est très heureux. C'est mardi, on est champion du monde. On a encore les yeux pleins de joie, plein de fêtes. C'est la Sainte Charlotte aujourd'hui. D'accord. Et on va saluer Nico qui est aux manettes. Normalement, c'est Jérémy, mais il est en vacances. Et donc, c'est Nico l'américain dans l'équipe qui a pris les commandes. Oh yeah. Oh yeah. Parce que Nico est réalisateur de Francis Aigut en temps normal. Et là, il fait une petite semaine avec nous. Ça va? I'm fine. Non, mais fais pas trop non plus. Enfin, tu vois, je veux dire, bon. Ouais, ok, ça va. Voilà, ça ouais, va. Ouais, parce que bon. Quand même. Bonjour à Max sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Ça va bien ? Super. Bon, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une idole. Il faut bien le dire, il a 66 ans et il a été héros dans K2000, il a été héros dans Alerte à Malibu. C'est son anniversaire, c'est David Hasselhoff. Ah oui, je le vois courir sur la plage au ralenti. Moi, je vois, je vois plutôt Pamela Anderson. Ouais. Hein. Là, chacun ses références. Du coup, Pamela Anderson, poum, Adil Rami, poum, champion du monde. Allez ouais, on y revient. Et on y revient. Écoutez, je cherche pas, mais c'est la vérité. Non, mais de toute façon, on en a pour quelques semaines, quelques mois, hein, pour notre plus grand plaisir. Oh, bon, on va se faire plaisir. Hein. David Hasselhoff, 66 ans, il a aussi été chanteur, c'est vrai, il avait fait des trucs dingues. Mais chanteur ? Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Un truc, monsieur, quand même. Ouais, ouais, un truc avec ça. Ça m'a pas marqué. Hein. Incroyable, David Hasselhoff, quoi. On va enchaîner. Jean-Louis Aubert sur RTL de Juste une illusion, c'est le double expresso de l'été. Bon courage si vous êtes au travail ce matin, évidemment. Qu'est-ce qui te fait courir après un autre toi-même pour que tu t'aimes? Hey! Qu'est-ce qui te fait nager contre le sens du temps pour au fond pas toucher dans le contre-courant? Qu'est-ce qui te fait vouloir posséder? Jean-Louis Aubert dans le double expresso RTL2. Je voudrais saluer Max, notre responsable des réseaux sociaux, qui vient de faire une blague. Et il faut que je vous la donne à l'antenne. Elle était très bien. Oui, vas-y. Monsieur et madame Lusion, une fille. Vas-y. Ah, Justine. Justine Illusion. Mais oui, bien sûr. Oh, mais oui. Ça change. J'ai toujours eu Justine petite goutte. Oui, ça change. Voilà. Merci. Justine. Hein? Bah, le monsieur et madame petite goutte sont une fille. Justine, Justine petite goutte. Ah. Ah ouais, mais toi déjà c'est dans, depuis que je suis toute petite. Toi c'est dans les gènes, je comprends mieux en fait si papa maman attaquaient les vannes comme ça. L'info expresso de 7h18 arrive, il y aura l'horoscope à 25, la chanson du jour à 7h35, la roue pop rock à 7h45, les savoirs inutiles à 8h05 et Foster the People. D'ailleurs, à propos d'Info Expresso, de quoi on parle ? J'ai trouvé une Info Expresso qui va parler à tout le monde. Comment gagner de la place dans sa valise ? J'ai pas mal d'astuces. A tout de suite sur RTL, depuis Bon Courage surtout. RTL2 présente le son pop rock, le coffret best-of 4 CD. Et Tyrann, Pink, Indochine, Coldplay, Rag & Bone Man, Jane, Imagine Dragons, Maroon 5. Vendredi, envoyez RTL2 au 74 900 et gagnez notre coffret best-of toutes les 10 minutes. RTL2, le son pop rock. Le coffret best-of 4 CD, disponible vendredi. 75 centimes plus coût du SMS. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose moins 50% sur le canapé d'angle à roll de convertible avec son assise en cuir, soit 799 €, on pense à tous ceux qui aiment recevoir. Et à vous qui aimez faire des économies. Conforama, jusqu'au 13 août, conditions magasin et sur conforama.fr. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Touraine. C'est en Touraine que le domaine des Gélerie produit son Bourgueil Vieille Vigne AOC, médaillé d'argent au concours des Ligères. Pourquoi Vieille Vigne ? Parce qu'elles ont été plantées là, il y a plus de 50 ans, sur des coteaux argilo-calcaires composés de pierres de tuffeau. Dans cette roche, les cèpes de vigne puisent leurs ressources pour produire le Bourgueil, que l'on appelle également le vin de tuffeau. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour, c'est Xavier Demoulin. 20 ans après France 98, la France remporte la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Des milliers de Français ont enregistré avec leur smartphone des moments étonnants vécus durant cette journée. Nous avons compilé ces vidéos dans un documentaire original et unique. Cette victoire, c'est celle de toute la France. Ce documentaire, c'est celui des Français. Champion du monde, la France en fait, c'est ce soir à 21h sur M6. Le chassé-croisé des vacances, c'est maintenant chez Feu Vert. Jusqu'à moins 30 € sur la révision toute marque. Garantie constructeur préservé, bien sûr. Offre valable jusqu'au 11 août, voire conditions sur feuvert.fr. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Running like a dog, fighting like a bitch too much. And you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits. Cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge. Cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. 7h18, attention mesdames, messieurs, la séquence qui va arriver est extrêmement spectaculaire, sera extrêmement spectaculaire. À ma droite, Justine Salmon. À ma gauche, une valise. Les deux ne sont pas compatibles, jamais. Elle ne sait pas faire une valise. Non. Elle met toujours beaucoup, beaucoup trop de choses. Du coup, elle vient toujours avec trois valises. Et pourtant, dans un instant. Mais je vais vous donner des astuces pour gagner de la place dans votre valise. Ça m'a aidé, vraiment. C'est absolument improbable et ce sera devant vos oreilles ébahies après Foster the People sur RTL2. Sur RTL de 7h20. L'info de l'été du double expresso RTL 2. Jamais dans ma vie j'ai cru, j'aurais pu imaginer vivre le moment qui arrive. Comment gagner de la place dans sa valise grâce à Marie-Claire et Justine Salmon. J'avoue, je suis nulle en valise. Je fais partie de ces personnes qui ne savent pas faire des valises, qui ne savent pas voyager léger. Bah non, bon. c'est j'ai trouvé les astuces pour gagner en tout cas de la place dans votre valise grâce à Marie-Claire. Alors, il y en a quelques-unes. Par exemple, ne jamais plier vos vêtements. En fait, vous les roulez. Allez, mais enfin, on est tout froissé après. Bah non, justement. Ah bon? Ouais, c'est mieux apparemment. Bah, quand moi, c'est posé, ça fait place. Moins de hauteur, non? Rouler, c'est... Eh ben non, il faut le rouler, okay. Tu gagnes de la place. Okay. Eh ben, roulez vos fringues. Okay. Vous choisissez également deux hauts à sortir en bas. Parce que l'idée, c'est que vous pouvez porter le même bas en vacances, mais pas plusieurs fois le même haut. Ah bah oui, non. Surtout l'été, il fait chaud. Donc il faut un haut qui aille bien avec le bas, d'accord? Bon, ok, bon, ça c'est une petite astuce look. Bon, vous installez les objets les plus lourds proches des roues de la valise. Ça je savais pas. Pour répartir le poids uniformément, en fait, la bonne astuce, c'est d'intégrer tous les objets lourds du côté des roues afin de la déplacer plus rapidement. Ah oui, c'est-à-dire que ton halter, tu la mets pas près de la poignée, quoi. Enfin, qui amène une halter? Bah, c'est une vanne. Ah. Premier degré. Bah, okay. Non, mais vous savez que j'y ai pensé en plus, moi. Bah, amener mes halters en vacances? Bah, j'y ai déjà pensé. Eh bah, tu t'étonnes que t'arrives pas à faire une valise. Si t'emmènes tes halters. Mais certes. Ouais, et puis moi, poisson rouge, je l'ai mis dans la valise. Quand j'ai ouvert, il était pas bien. Hein. Les objets cassants, vous les mettez dans les chaussettes. Bon, bah, ça, c'est classique pour éviter la fuite des parfums sur les vêtements et les chaussures. Mmh. Vous mettez tout dans les chaussettes. Bah, comme ça, vous aurez des chaussettes qui sentiront bon. Voilà. Pas cassé. Et vous optimisez les espaces vides, notamment l'intérieur des chaussures. Ouais, on n'y pense pas. Mais hop, vous casez quelque chose, je sais pas, les sous-vêtements dedans. Ah, c'est pas totalement idiot ça. Bah oui, c'est pas idiot. C'est pas bête. Et n'oubliez pas le tote bag pour le linge sale, parce que ça, le linge sale, on se retrouve. Ah ouais. Ah, bah sinon tu prends des sacs, bah, des sacs plastiques quoi. Oui, bah un petit tote bag, c'est pas mal aussi. Tout le monde a son sac Carrefour, Auchan ou Franprix dans lequel on met de l'achat là, non? Oui. C'est un hôtel, c'était un hôtel. On fait tout ça. Merci Justine. Voilà. Bravo, je suis très fier de toi. Bonnes vacances à tous. Et puis bonne chance surtout. Dans le double expresso RTL2 à 7h27. L'horoscope, on y va avec les médailles de bronze. Et quoi, Greg? Les lions, Justine, vous n'avez aucun filtre aujourd'hui. Faites attention à ne pas blesser les gens que vous aimez, vous pourriez le regretter. Et les poissons? Gérez votre budget, vous faites trop d'écart. C'est bien de se faire plaisir, mais tout de même, faites attention. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Les béliers, le retour d'une personne perdue depuis quelque temps va vous combler. Taureau? Vous assurez vos arrières, rien ne pourra vous dévier de votre route. Les Gémeaux? Peu importe les critiques, vous êtes à la cool, vous prenez tout du bon côté. Vierge? Vous inspirez le respect, personne ne vous fait face. Balance? Vous savez enfin ce que vous voulez. Est-ce que ça fait du bien? Bah oui, la réponse est oui. Les Scorpions? Votre pouvoir de persuasion fait son effet, on vous cède tout. Sagittaire? Vous sortez de votre petite routine et ça vous plaît plus que vous ne l'auriez pensé d'ailleurs.

La météo des plages, globalement le temps sera plutôt agréable aujourd'hui sur les côtes du pays malgré quelques petits nuages sur la façade ouest et un risque de pluie le matin en Nouvelle-Aquitaine. Cet après-midi, on attend 22 degrés à Trouville avec une mer à 19 degrés. En Bretagne, comptez 20 degrés à Perros-Guirec, température de l'eau 15 degrés. Dans le golfe de Gascogne, il fera 24 degrés à Royan avec un océan à 22 degrés. Du côté de la Méditerranée, rien à signaler. Il fera beau et chaud jusqu'à 33 degrés attendus à 7 avec une eau à 23 degrés, 30 degrés à Cannes et une mer à 26 degrés. Enfin en Corse, on attend 29 degrés à Galeria et une mer à 25 degrés. h33, c'est le double expresso RTL2 de l'été. Tiens, Justine, on va cuisiner évidemment pendant l'été, barbecue, tout ça. Oui. 18%, c'est, j'ai trouvé ce chiffre dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est le pourcentage de femmes qui répondent, mon mari, à la question du sondage, pendant vos congés, qui prépare le plus les repas? Bah c'est bien. Bah 18%, c'est-à-dire qu'il y a 82%, c'est beaucoup, c'est l'opposé. T'as du mal, hein? Ouais, j'ai du mal. Ouais, normalement, t'aurais dû râler là en fait, tu vois. Écoutez. Ah non, mais t'es de bonne humeur. Oui, je suis très bonne humeur. D'accord. Bah, prenez des repas tout faits, et puis voilà, ça enlèvera les soucis. Hein. Faites-vous livrer. Bah, merci. Oui. Après les conseils valises, les conseils culinaires de Justine. Tu commences le livre par la fin. J'ai le menton au pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur ça. Ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. RTL2, c'était Christine, 7h36. RTL2, la chanson du jour. Chanson du jour, transformée en numéro 1 de l'été également pendant ce double expresso RTL2 de l'été. Ce matin, Justine, ce sont des Suédois qui sont à l'honneur. Roxette, groupe créé en 1986, année de ta naissance. Oui, c'est vrai. Oh, un coup de vieux, j'avais 10 piges. Marie Fredriksson et Per Gessle, la chanson qu'on va écouter, c'est The Look. Extrait du quatrième album du groupe Look Sharp. Alors c'est un groupe très populaire en Suède. Il découvre le succès mondial avec cet album Look Sharp, dans lequel se trouve ce single The Look. Mais l'histoire est complètement dingue. En fait, je vous explique. Vous avez vraiment, je vous assure, c'est une histoire rarement entendue. Dan Crashman, c'est un étudiant. Dean Crashman, autant pour moi, est un étudiant américain. Il est en Suède, il fait ses études. Puis il devient fan de Roxette, qu'il entend la radio suédoise. Alors du coup, The Look sort, il la ramène chez lui à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis. Et puis il envoie un exemplaire de la chanson à une radio locale, KWWB-FM. Mm-hmm. À l'époque, les animateurs radio vraiment choisissaient tout. Vous voyez, c'était vraiment les stars ultimes. Le gars écoute ça, l'animateur, il dit « Putain, c'est vachement bien cette chanson, quoi. » Et qu'est-ce qu'il fait ? Il en fait une copie en radio cassette et il l'envoie à d'autres radios. Et la chanson connaît un succès énorme alors que le groupe n'a jamais mis les pieds aux États-Unis grâce à un étudiant américain. Quelques mois plus tard, ils sont numéro 1 aux États-Unis, numéro 1 dans le monde. Et c'est ma chanson du jour. J'aime bien ce genre d'histoire. Voici Roxette, The Look, dans le double expresso RTL 2. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got dans le double expresso RTL de l'été, c'est ma chanson du jour. The Look, j'ai 13 ans à nouveau. Je te le lis, là j'ai ma cassette, j'ai mon Walkman. Je suis bien. T'es mignon, t'es touchant. Je suis touchant. Le YouTube arrive sur RTL 2. It's alright, it's alright, alright. She moves in mysterious ways. Et puis on va jouer, Justine, également. On va jouer à la roue pop rock. Appelez-nous au 3228 pour gagner quoi cette semaine? Une console PlayStation 4. À l'occasion de la sortie du film Ant-Man et la Guêpe. La PS4 et YouTube, c'est le programme du double expresso RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Maroon 5. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de YouTube. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Et chez Midas... Bon les gars, quelle est votre idée pour que nos clients s'arrêtent chez nous avant leurs vacances? Alors là, chef, vous allez être content. Très content même. Ah, j'espère, je range mon frein là. Mais justement, ça concerne les freins. Du 2 au 28 juillet, Midas offre moins 30% sur les plaquettes de freins originaux, les Ferrodo. Moins 30%? Alors là, ça va les arrêter net, j'adore. On se dépasse bien là. Merci, merci chef. Midas, pour vous, On se dépasse. Voir détails dans les centres participants et sur Midas.fr. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tentez par une tablette ou un hamac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Imaginez un monde rosé, un monde bercé de gourmandises, un endroit où les accords les plus insolites peuvent enfin s'exprimer. Cet endroit, en Val-de-Loire... Non mais qui a écrit ça, là ? Bah, j'avais pourtant été clair, on doit rien dire. C'est vrai, quoi. Ici, c'est chez nous, c'est nos caves, nos vignes. Ici, notre Cabernet d'Anjou dévoile toute sa tendresse. Faut la refaire, cette pub. Faut la refaire. Cabernet d'Anjou, vin royal en Loire. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. Écoutez, c'est nouveau. Cécilia Krull, My Life is Going On, sur RTL2. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. Expresso RTL2, on va jouer, on va vous offrir une PS4 à l'occasion de la sortie de Ant-Man et la Guêpe, le nouveau film Marvel. Et ça va se passer au numéro de téléphone suivant. Bah au 3228 simplement. J'arrive pas à te piéger. Hein. Jamais. Ça par cœur. Voici U2, Mysterious Ways. Et c'est sur RTL2, bon réveil. It's over. Jesus Ways dans le double expresso RTL 2, 8h-10. La roue pop rock RTL 2. Oh, bah, il est là. Salut Benoît. Ça rime. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Merci. Vous êtes à Venel, c'est ça? C'est ça, pays d'Aix, du moins. Oui, c'est à côté d'Aix en Provence. Voilà, c'est ça, exactement. Vous êtes en vacances? Non, on travaille. C'est quand les vacances? Cet été. Il y a tout l'été? Non, j'en ai pas. Vous n'avez pas de vacances? Tout l'été. Ah, bah non. Attendez. Bon courage. Bon courage, évidemment, on pense à vous. Qu'est-ce que vous faites comme métier, du coup? Ben, je suis chauffeur poids lourd. Ah ouais, donc vous allez rouler, rouler, rouler, là, forcément. Exactement, rouler, rouler, rouler. Et vous aimez quoi comme son pop rock? Oh, un peu tout, comme j'ai dit, Radiohead, The Stroke, Nirvana, après tout ce qui est musique française quand même. Voilà. Oh, très bien. Et je vois sur votre fiche que Vivi nous fait une fiche avec vos traits de caractère, que vous avez le caractère des béliers. Ça veut dire quoi ça? Parce que moi aussi je suis bélier, ça veut dire quoi? Ouais, bah on fonce tête foncée quoi. On réfléchit un peu après. C'est ce que mon père me dit tout le temps. Oh bah alors là, voilà. Vraiment, ça correspond pas du tout à Juju. Hein. Je fonce, je mets un coup de corne et après j'y vois si ça marche. Bon, voilà, allez, Benoît, on vous souhaite bonne chance. La roue pop rock, elle est devant nous, on la lance. Vous dites stop quand vous voulez et vous découvrez l'artiste qui se cache derrière. Bonne chance. Allez, stop. Ah oui, c'est Skip the News, non? Ouais, alors c'est le chanteur de Skip the News. Il s'appelle comment, Matt? Ah, bien, le chanteur, je le connais pas. Je connais que le groupe. Non, je peux pas. Non, je pense que c'est pas Skip the News. Non, c'est pas Skip the News. Ah, c'était Matt Bastard avec Stand as One. On va vous offrir le DVD du film Tomb Raider. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Et puis, vous n'hésitez pas à jouer dans l'année avec nous. Pourquoi pas à la banque RTL2 quand on revient à la rentrée, hein, mon cher Benoît. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Allez, courage pour cet été. Benoît, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Ben, un double espresso, bien sûr. Everybody stand as one. We don't care where you come from. You'll never be alone. Si tu prends la vie, tu attrapes tes rêves. Relève la tête car ne t'en attends personne. Comme une victoire. Avec ce qui nous reste, du culot, de l'enthousiasme et un sourire face au CRS. Une main tendue et c'est tout ton pays qui se réveille. Faut qu'on se bouge pour que nos gamins s'émerveillent. Alors on se rassemble sans savoir si on se ressemble. Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier et les mains qui tremblent. Ces graines qu'on sème pour toute une vie, à toutes ces secondes qu'on apprécie. Hey, hey, hey. Dans le double expresso RTL 2. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Allez, on va jouer ce matin pour les savoirs inutiles. Est-ce que tout le monde est prêt pour jouer dans le studio? Oui. Nico, Max, Jésus, Vivi, tout le monde y va? Attention, musique. Ah, tu l'as pas? Non. Bah d'accord, bah pas musique alors. Tu veux que je chante? Non, mais non. Ah si, je l'ai fait. Ah mais bah, il l'a. Attends, attention, musique. L'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les masques. Ça aurait été C'était dommage de pas l'avoir. J'aurais pu le chanter. Pardon. Tu m'as dit non tout de suite, mais j'aurais pu le chanter. Bah vas-y. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Nanana dans les maillots. N'oubliez pas les paroles. Je bloque ces paroles de nanana. Bon, c'est l'été, ça fait du bien. Et même si parfois on se plaint d'avoir trop chaud, je vais vous donner de quoi relativiser. On remonte en 1913. Le 10 juillet 1913, donc vraiment tout proche d'aujourd'hui, on était à 17 juillet là. Nous sommes dans la vallée de la mort, la fameuse Death Valley aux États-Unis. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'à cette date, c'est à cet endroit que la Terre a enregistré son record historique de chaleur. À votre avis, combien affichait le thermomètre? Allez, 50 degrés. 65? Non, 48. Non, 56 degrés 7. Wow. Rien qu'en ce moment là, il doit faire, je sais pas, il fait une trentaine de degrés, mais j'arrive pas à dormir. Donc... Ah bah là, ah non, là tu cuis des pieds là. 56 degrés 7. Alors du coup, l'été sera comment, Nico? Tu l'as encore la musique? Alors l'as plus. L'été sera chaud, l'été sera chaud. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Ça aurait été dommage. Zayn Malik, Kessia, The Cardigans, Ed Sheeran, The Wise Trice, Manu Chao. Bref, c'est ça la matinée dans le Double Expresso. RTL2, à tout de suite. Ah bah, il y a George Michael aussi, d'accord. Très bien. Michael dans le Double Expresso RTL2, j'avais anticipé, je vous avais donné la suite. Bah, elle arrive, Zayn Malik, The Cardigans, Ed Sheeran, The White Stripes et Manu Chao. Et non pas Manu Chao. Manu Chao. Là, c'est autre chose. À tout de suite sur RTL2. Manu Chao. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Retrouvez les fréquences RTL2 sur RTL2.fr ou écoutez l'appli RTL2. La radio pop rock.

Cause I wanna touch you, baby. And I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up. Fall in love twice. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I want you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shut like a jacket. So do yours, yeah. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me. Et Sia sur RTL2 Dust Till Dawn. Bon réveil, tous les matins 6h-9h, le double expresso de l'été sur RTL2. Est-ce que jusqu'à vendredi je vais attaquer chacun des sommaires par là, là, là? Eh bien oui, c'est beaucoup plus compliqué. Je peux le faire. Bonjour Justine. Ah ça, tu peux le faire, oui, je confirme. Faire, ouais. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte, aujourd'hui c'est votre fête, profitez-en. Bonjour à Max, notre responsable des réseaux sociaux. Bonjour à tous. Community manager. Et puisqu'on parle américain, on a le plus américain des réalisateurs. Il réalise normalement Francis Aigut le soir. Et comme Jérémy est en vacances un petit peu plus tôt que nous, c'est Nico qui est là. Bonjour Nico. Hello. Ça va? I'm fine. Non, ok, non mais... Il est reparti. Le gars, il est dans son rôle à mort. Tu fais une pièce, ça y est. À fond, à fond, à fond. Là... Et toujours l'accent. Ah, il a un bout de 66, salut tout seul. Bonjour à Vivi qui est au standard jeu. Bonjour Vivi. Bonjour. Bonjour. Il y a Jules aussi qui est dans le coin, qui vous embrasse. Il traîne dans le coin, notre coordinateur, de temps en temps. Bon, j'espère que tout le monde va bien, en forme. On est très heureux de vous retrouver après un petit jour de repos hier. Bah, on est heureux, on est champion du monde. Ouais. Donc, forcément, on est heureux, on a le sourire jusqu'aux vrai. Oreilles depuis quelques jours là. D'ailleurs, la journée des Bleus avec quelques chiffres, des infos insolites, tout ce qu'il faudra voir ce soir à la télé. Je vous en parle, ce sera l'info expresso de 8h18. Il y aura l'horoscope à 8h25, le winner du jour à 8h35, puis le journal des festivals à 8h55. On est pas mal, non? Un beau petit programme. Ah, ça me semble plutôt bien. Tiens, si vous aimez les Cardigans, ce que vous entendez derrière moi, ils repartent en tournée pour les fêter les 20 ans de l'album culte Gran Turismo. Voilà, sachez-le, on a mis tout ça sur RTL2.fr. On écoute The Cardigans, My Favorite Game, dans le double expresso RTL2. Bonjour, il est 8h08. It's not a matter of you versus me. It's fine the way you want me on you. The Cardigans, my favorite game. 8h11, ça fait déjà 2 heures que Justine ne me parle que de ça. Mais non, mais j'ai vu en me levant ce matin, parce que j'ai la mauvaise habitude d'aller sur Facebook quand je me réveille. Et j'ai vu que c'était la journée mondiale des émojis aujourd'hui. Ouais, mais j'aime beaucoup, moi, les voilà. Emojis. Toi, tu parles en émoji. Ah, j'aime, vraiment. C'est vrai. Hein, j'utilise beaucoup. Hein. Pour je t'embrasse, tu mets un émoji. Pour. Vas-y. Pour bonjour, tu mets la main. Ah oui, ça fait peur. Bah, pleurer, je mets des larmes. Pour pleurer, pour rire. Pour rire, tout. Mais le mieux, c'est le rire. Franchement, les éclats de rire avec les grosses larmes. Et il y a des mots qui existent encore, c'est important. Oui, mais c'est rapide, on gagne du temps. Génération, toi, moi, je suis jeune. 2.0. 2.0. Ed Sheeran, The White Stripes, c'est Manu Chao. À suivre sur RTL 2 ainsi que l'Info Expresso consacré au bleu. Tout l'été, à partir de 19h, c'est RTL 2 Summer Party. Mix Pop Rock by Lauren et RLP. Pour un début de soirée up-tempo. RTL de Summer Party, les soirs à 19h. Montez le son. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Lorraine. En Lorraine, les magasins U font confiance à la maison Pierra depuis 1970. Le produit phare de cette charcuterie, c'est le filet mignon. Élaboré exclusivement à base de viande de porc française, délicatement frotté au sel sec et aux épices, puis fumé à basse température à la sueur de sapin des Vosges, à ce niveau-là, il est plus mignon le filet. Il est carrément canon. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, c'est Xavier Demoulin. 20 ans après France 98, la France remporte la 2e Coupe du Monde de son histoire. Des milliers de Français ont enregistré avec leur smartphone des moments étonnants vécus durant cette journée. Nous avons compilé ces vidéos dans un documentaire original et unique. Cette victoire, c'est celle de toute la France. Ce documentaire, c'est celui des Français, champions du monde. La France, en fait, c'est ce soir à 21h sur M6. Tout au long de la journée, RTL 2, le son pop rock partout en France. Vous écoutez le dernier Lenny Kravitz, Low, sur RTL 2. If you wanna talk to me, know that I am plain to see, yeah, yeah. Yeah, yeah. I don't want this fame to be Drop me, let me go, got to keep it low. 9h, le double expresso de l'été sur RTL 2. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Perfect sur RTL2. L'info de l'été du double expresso RTL2. L'info expresso tous les jours, 6h20, 7h20, 8h20. On regarde la presse, le web pour vous. Oui, et là évidemment, on parle des champions du monde, l'équipe de France, les 23 bleus, Didier Deschamps, le staff qui sont champions du monde. Et pas mal de petites choses à savoir. Alors déjà, c'était aussi la fête à Zagreb, parce qu'hier, vous avez vu, c'était la folie sur les Champs-Élysées, partout en France. Et c'était assez dingue, ouais. Les joueurs ont été accueillis. J'ai vu, il y avait 10% de la population. C'est ça, 300 000 personnes à Zagreb pour un pays de 4 millions et demi. Donc grosso modo, c'est assez incroyable pour une belle place en finale. Il fallait les fêter quand même. C'est normal. La Joconde, elle était contente. Bah oui, parce que figurez-vous que sur le site du musée du Louvre, elle était revêtue du maillot bleu, son drapé habituel laissant simplement apparaître les deux étoiles avec la mention félicitations. C'est plutôt sympa de la part du Louvre. Il y a un timbre qui sera édité pour fêter les bleus à titre exceptionnel, tirage exceptionnel. La Poste a sorti hier spécialement pour l'occasion une série de 4 timbres collector, 5 €. Voilà, c'est sur le site laposte.fr. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Les stations de métro rebaptisées, c'était plutôt chouette. Ça, c'est rigolo. Ah, oui. On aime bien. Didier des Champs-Élysées, j'ai vu. Voilà, Victor Hugo Lloris, Bercy les Bleus. C'est plutôt Notre-Dame des Champs, c'est devenu notre Didier des Champs. Voilà, c'est ça. Et puis la ligne des Champs-Élysées, Clémenceau. Comme tu l'as dit, je trouve ça plutôt amusant. Il l'avait déjà fait pour l'Euro, mais toujours une c'est initiative sympa. Plutôt drôle. Et puis un mot quand même pour vous dire que la fête continue ce soir à la télé sur 2 chaînes qui diffuseront les Bleus à la rentrée. M6. Qui célèbre les supporters, 2 documentaires, Champion du monde, la France en fête, c'est à 21h, compilation de vidéos tournées par les supporters, et puis après le Paris des Bleus à 22h20, film d'1 heure qui propose de revivre la finale du côté des fans de la capitale. Et puis sur TF1, on est dans l'intimité des Bleus, un peu en mode les yeux dans les bleus, avec les caméras de TF1 qui révèlent les coulisses de la deuxième étoile de l'équipe de France. On va essayer de tout regarder, heureusement qu'il y a du replay maintenant. Exactement. The White Stripes, Seven Nation Army sur RTL2. C'est bon pour le foot, ça. I'm gonna fight them all. A Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Du coup, ça, The White Stripes, Seven Nation Army dans le double expresso RTL de 8h25. Du côté des astres, voici votre horoscope. Justine, les médailles de bronze et les lions. Vous n'avez aucun filtre aujourd'hui. Faites attention à ne pas blesser les champs que vous aimez. Vous pourriez le regretter. Poisson. Gérez votre budget, vous faites trop d'écart. C'est bien de se faire plaisir, mais faites tout de même attention. Médaille d'argent pour les béliers. Le retour d'une personne perdue depuis quelques temps va vous combler. Les taureaux. Vous assurez vos arrières, rien ne pourra vous dévier de votre route. Gémeaux. Peu importe les critiques, vous êtes à la cool. Vous prenez tout du bon côté. Vierge. Vous inspirez le respect, personne ne vous fait face. C'est balance. Vous savez enfin ce que vous voulez, les balances, et qu'est-ce que ça fait du bien. Scorpion. Votre pouvoir de persuasion fait son effet, on vous cède tout. Les sagittaires. Vous sortez de votre petite routine et ça vous plaît plus que vous ne l'auriez pensé. Capricorne. Les sorties, les amis, la musique, voilà qui fait votre bonheur en ce moment. Vous vivez comme bon vous semble. Verseau. Vous allez enfin vous épanouir au boulot et ça se ressent déjà dans votre travail. Et la médaille d'or du jour, c'est pour qui ? Pour les cancers. Vous êtes dans une forme olympique, prête à tout affronter aujourd'hui. Rien ne vous résiste. Voilà pour l'horoscope. On vous souhaite évidemment une très belle journée, un excellent mardi matin. Aujourd'hui, c'est le 17 juillet, c'est la Sainte-Charlotte et vous êtes dans le double expresso RTL 2. Écoutez Manu Chao, bonne idée, je ne t'aime plus. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je... Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Ciao, je ne t'aime plus. Et on va enchaîner avec Bruno Mars aussi, non? C'est ça? Ah oh, ouais. Ah oh, ouais. Ah oh, ouais. Et le winner va arriver également. Oui, parce que le réveil a été dur pour tout le monde hein, hier matin, mais pas autant que pour nos prochains winners qui ont planté plus de 100 personnes. Oula. Ah oui, gros winner. A tout de suite sur RTL, ne loupez pas ça. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. On se rappelait pourtant de tout. Retrouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron ? Bon alors ? Eh ben c'est cuit. En ce moment chez Lidl, le faux filet de bœuf 3 étoiles à griller est à 2,55€ les 170 grammes au lieu de 2,99€. 2,55€ le faux filet de bœuf, moins 14%. Oh la vache ! Ah et de la vache française, hein ? C'est votre viande préférée patron. C'est pas faux. Mais laisse filer, on s'est encore fait griller. Ah bah vous êtes mal, hein ? Je sais, non mais très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mardi 24 juillet. Le moment Nuxe de Léa, blogueuse beauté. J'adore les produits Nuxe et mon préféré, c'est l'huile prodigieuse. Je l'utilise pour tout, aussi bien pour nourrir ma peau qu'en masque avant shampoing pour réparer mes cheveux. Et j'aime aussi la mélanger au creux de ma main avec ma crème de jour pour sublimer mon teint. En plus, elle est ultra naturelle et son parfum sensuel est tellement addictif. Huile prodigieuse de Nuxe, en pharmacie, parapharmacie et sur Nuxe.com. Et cet été, craquez pour son nouveau flacon collector doré au look tropical. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tentez par une tablette ou un hamac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49€ par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Bonjour et bienvenue à tous dans le Double Expresso RTL2. C'est l'heure des infos, il est 8h30 et c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. 23 joueurs pour des centaines de milliers de supporters. Une foule bleu-blanc-rouge s'est rassemblée hier après-midi sur les Champs-Élysées pour accueillir les champions du monde. Comme leurs aînés en 98, ils ont descendu l'avenue sur un bus à Impérial. Direction ensuite une soirée ambiancée dans les jardins de l'Élysée où les attendaient 3000 invités, dont des centaines de jeunes venus des clubs de foot formateurs de l'équipe de France. Une petite fausse note, de nombreuses personnes s'étaient rassemblées autour de l'hôtel Crillon en espérant apercevoir les Bleus, sauf que ils ne sont jamais venus. Des supporters s'en sont pris aux forces de l'ordre. Les CRS ont dû évacuer la place de la Concorde. À noter que les gardes à vue de 31 personnes soupçonnées d'avoir participé aux violences de la veille à Paris ont été prolongées. Eux aussi ont été fêtés en héros. Arrivés à l'aéroport, les Croates ont été accueillis par plus de 500 000 personnes, soit entre 10 à 15% de la population du pays. Du jamais vu là-bas, le bus à Impérial des vice-champions du monde a mis 5 heures pour rejoindre le centre-ville de Zagreb. En revanche, fin de mondiale moins joyeuse pour les Pussy Riot. 4 membres du groupe féministe russe anti-pouvoir ont été condamnés à 15 jours de prison hier. Dimanche, lors de la finale, ils étaient descendus sur la pelouse habillés en policiers pour demander la libération des prisonniers politiques. Dans le reste de l'actualité, les syndicats et le patronat réunis ensemble à l'Élysée. C'est une première dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils seront reçus dans une demi-heure pendant 2 heures. Au menu des discussions, l'assurance chômage, les retraites, le retour à l'emploi, la lutte contre la pauvreté ou encore la santé au travail. Chez les Verts, ce sera Yannick Jadot en 2019. L'eurodéputé a été choisi pour mener la liste Europe Écologie aux élections européennes de l'an prochain. Il a été choisi par plus de 58% des adhérents devant Michel Rivasi qui a remporté un peu plus de 35% des voix. Un mot de cyclisme après un premier jour de repos à Annecy, place à la 10e étape du Tour de France. Au programme ce mardi, 158 km jusqu'au Grand Bornand. Les coureurs devront faire face à la montée du plateau des Glières. La météo des plages, globalement, le temps sera agréable aujourd'hui sur les côtes du pays, malgré quelques nuages sur la façade ouest et un risque de pluie le matin en Nouvelle-Aquitaine. Cet après-midi, on attend 22 degrés à Deauville et une mer à 19 degrés. En Bretagne, comptez 20 degrés à Perros-Guirec, température de l'eau 15 degrés. Dans le golfe de Gascogne, il fera 25 à Cap-Breton, avec un océan à 24 degrés. Du côté de la Méditerranée, rien à dire. Il fera beau et chaud jusqu'à 31 degrés à Leucate, avec une eau à 24 degrés, 30 degrés à Cannes et une mer à 26 degrés. Enfin en Corse, on attend 30 degrés à Bastia avec une mer à 26 degrés. Tous les matins, 6h-9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. Out of Heaven sur RTL 2. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Ah ouais, il est bien celui-là. Tu l'as trouvé où ? Sur l'indépendant.fr. Écoutez bien, parce que je vous assure que c'est complètement hallucinant. Il y a une nouvelle ligne qui a été ouverte entre Perpignan et Paris. Perpignan, la Labanière, et puis Paris-Charles de Gaulle, nouvelle ligne Air France. Voilà, un nouveau moyen de rejoindre Perpignan, l'avion. Bonne nouvelle. Ouais, excellente nouvelle. Bon, ils étaient 100 passagers, ils allaient fêter quand même quelque chose d'assez sympa. Ils allaient embarquer, ils étaient sur le tarmac. Ça y est, ça allait démarrer, quoi. Ce Perpignan-Paris, ligne inaugurale, c'est quand même un moment important. Bon, ils n'ont pas décollé. Mais pourquoi? Bah, ils sont pas décollés parce que. Parce que l'équipage avait trop fêté la victoire de l'équipe de France la veille. Ah oh non. Je te jure, c'est vrai. C'est un truc de fou. Mais non. Le motif, c'est ce que nous dit le responsable développement de l'aéroport de Perpignan, a dit que le personnel navigant n'était pas en état. C'est chaud quand même. Mais tu prends un blâme pour ça quand même. Je pense. C'est la ligne inaugurale, c'est le jour J. C'est vraiment le Perpignan-Paris, c'est le vol. Non mais déjà ça, mais même en fait, tu travailles, bah non. Oui, non mais t'as raison, en plus, non. Tu peux pas, t'as complètement raison. Et c'est l'explication fournie par la compagnie aérienne, donc, qui a dit, bah non, on peut pas chez Air France, on a trop fêté ça, quoi. Absolument incroyable. Et du coup, les voyageurs ont pu être emmenés en bus à Toulouse, donc ils ont fait Perpignan-Toulouse en bus, et après ils ont pu faire un Toulouse-Paris en navette. Non mais c'est franchement, on en rigole en winner, mais moi j'aurais été à leur place, mais je pétais un scandale. Bien sûr, on en rigole parce qu'on est loin de tout ça. Ah, je vous le dis, je vous menace. Hein. J'aurais fait des stories, j'aurais fait des tweets, j'aurais fait du fou. Hein. Chloé au pilori des réseaux sociaux. Bon, voici Meredith Brooks sur RTL2. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. Dans le double expresso RTL2, il y aura Whiton, Imagine Dragons, Police qui va arriver. Et puis, évidemment, Justine. Le journal des festivals également. Pour tout savoir où faire la fête cet été, grâce au double expresso RTL2. A tout de suite. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. Ce titre d'Ed Sheeran. Vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Sur la route en été, un moteur, ça peut chauffer. La facture aussi en cas de panne. Alors pour les vacances, roulez tranquille. Jusqu'à moins 30 euros sur la révision toute marque. Moins 30 euros, garantie constructeur préservé bien sûr. Et 9 clients sur 10 qui recommandent feu vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre valable jusqu'au 11 août, voire conditions sur feuvert.fr. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tentez par une tablette ou un hamac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Tous les jours, partout en France, RTL2, le son pop rock. C'est le double expresso RTL2 de l'été. On est encore ensemble, nous, jusqu'à vendredi avec Justine, et c'est toujours un plaisir. Et oui, les vacances, ce sera pour plus tard. Exactement. Voici Police, Don't Stand So Close To Me. Il y aura Imagine Dragons et le journal des festivals sur RTL2. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering, but RTL de Next to Me à 8h52. Vous le savez, on aime la musique, donc on aime les festivals. Et on commence avec le festival Le Mas des Escaravatiers à Pugent-sur-Argence. Pugent-sur-Argence. C'est dans la région PACA. Et ils recevront Eddy de Préto jeudi. C'est la Sou samedi. Et dans une petite dizaine de jours, le 26 juillet, au Lycis. Les Nuits de Fourvière continuent à Lyon. Le 20 juillet, il y aura Ebéi. Le 23, avec Julien Doré. Le 26, Jane. Et on part du côté des Pays de la Loire, à Saint-Malo-du-Bois, pour le festival de poupées. Demain, vous pourrez retrouver Arcadiane. Jeudi, il y aura Louane et Alioz. Et Jane sera là le 21 juillet. Et puis plus que quelques jours avant le festival Lollapalooza, hein, qu'on vous fera vivre en direct ce week-end avec toute l'équipe du Double Expresso en soirée. Mais oui, on fera deux émissions spéciales bien entourées de Dépêche Mode, de Caléo, de Bastille, de Gorillaz, des Killers, de Noël Gallagher, de Rag & Bone Man ou encore des Bébés Brunes. Garçon pyromane s'en allait vers le sud, le nord, à jamais resta... Avec un poil plus de mèche, il aurait pu être un bébé brune. Il a choisi d'être animateur du 9-12. C'est Kevin Olivier. Il arrive dans quelques secondes sur RTL 2. Ah ouais, il y a de la musique encore. Ah bah non, oui, Nico, on est sur RTL2. Quand, hein. Quand c'est toi, il y a plein de musique, Nico. Eh ouais. Et c'est quoi le secret? C'est la passion. Tu connais des gens, toi. Voici Whiton, Your Woman, sur RTL2. Dans le double expresso RTL2, 8h58. Question qui arrive dans quelques secondes. Kevin Olivier. Ah bah, j'ai mis un peu de temps quand même. C'est incroyable. Mais attends, je me concentre. Je joue pas à Time's Up avec toi. Je croyais qu'il y avait un piège. J'imagine. Bon, Amy, t'as Camoulox avec toi. A tout de suite sur RTL2. Tout l'été, partout en France, RTL2 vous offre le son pop rock de vos vacances. Trouvez les fréquences RTL2 sur rtl2.fr ou écoutez l'appli RTL2, la radio pop rock. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, elles sont à l'eau. Allô, allô. C'est ça, oui, allô, les glaces chez Lidl. Et dès demain, la box de 11 glaces à l'eau est à 2,59€. 11 glaces à l'eau à 2,59€, 24 centimes la glace, mais ils sont complètement givrés. Ah bah, sûr que ça jette un froid, hein. Mais 11 glaces avec 4 parfums différents à ce prix-là, bah, c'est à prendre et aller chez patron, hein. Ton humour me laisse de glace, tu es malin. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11 fois 48 grammes, 4,92€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bonjour, c'est Xavier Demoulin. 20 ans après France 98, la France remporte la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Des milliers de Français ont enregistré avec leur smartphone des moments étonnants vécus durant cette journée. Nous avons compilé ces vidéos dans un documentaire original et unique. Cette victoire, c'est celle de toute la France. Ce documentaire, c'est celui des Français. Champion du monde, la France en fête, c'est ce soir à 21h sur M6. Bonjour et bon mardi matin, c'est RTL 2. Bon réveil à tous, il est 9h. Voici vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Après le foot retour aux choses qui fâchent, Emmanuel Macron reçoit en ce moment à l'Élysée l'ensemble des partenaires sociaux, une première depuis le début de son quinquennat. Cette réunion avec les syndicats et le patronat doit durer 2 heures. Le chef de l'État veut faire le point sur les grands chantiers de la rentrée, le plan pauvreté, l'assurance chômage ou encore les retraites. Bon ok, mais hier l'heure était encore à la fête à l'Élysée. Et les Bleus ont fait le show devant le couple Macron. Un millier de jeunes footballeurs issus de leur club de formation les attendaient. Auparavant, ils avaient défilé sur les Champs-Élysées. Des centaines de milliers de fans les attendaient aussi depuis des heures, mais beaucoup sont repartis déçus en cause un retard de plus d'une heure et demie sur l'horaire prévu et un passage du coup un peu trop rapide. Pour les supporters qui étaient à Concorde, ça a carrément été la douche froide puisque le bus à Impérial des Bleus n'est finalement pas du tout passé par l'hôtel Crillon. S'en sont suivis quelques débordements, la place a dû être évacuée. 15 jours après son évasion, Redouane Faïd reste introuvable. Toujours aucune trace du braqueur multirécidiviste. Une centaine de policiers sont mobilisés sur sa traque. L'enquête vient d'être confiée à des juges d'instruction. Le parquet a ouvert une information judiciaire contre X pour évasion, enlèvement et séquestration en bande organisée. À l'étranger, Donald Trump critiqué, y compris au sein de son propre camp. Lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine hier en Finlande, le président américain a refusé de condamner la Russie pour son ingérence dans l'élection qui l'avait portée au pouvoir en 2016. Il s'en est même pris au contraire au FBI. En cyclisme, ça y est, après une journée de repos, le Tour de France part à l'assaut de la montagne. Au programme de cette 10e étape, 158 km entre Annecy et le Grand Bornand, le Belge Greg Van Avermaet est toujours en jaune. La météo avec un temps moins instable qu'hier, Raphaël. Dans la matinée, il y aura encore un petit risque de pluie du Grand Est à la Franche-Comté ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine. L'après-midi, seul, l'Alsace et les reliefs des Vosges et du Jura resteront exposés aux averses. Partout ailleurs, on attend de belles éclaircies, particulièrement autour de la Méditerranée. Les températures, elles sont agréables de 11 à 21 degrés pour les minimales, de 21 à 34 degrés au meilleur de la journée. 9h02, hier il a fait 6 heures d'antenne en nous remplaçant avec la gueule de bois. C'est fort ce qu'il a fait. Pardon. Bonjour Kevin Olivier. Salut Greg, salut Justine. Bonjour. J'avais pas du tout la gueule de bois. Non, en pleine forme. Non. Est-ce que t'as enchaîné l'émission avec ta nuit? Non, même pas. En fait, j'ai même pas fêté le titre en me disant qu'il y avait antenne le lendemain et que ça servait à rien. Mais quel menteur. Mais attends, je n'ai même pas besoin de le dire. Personne ne te croit. Bah, c'est bien dommage, le professionnalisme. On a des preuves. Ouais, j'ai des preuves. On a des photos. Non, il n'y a pas de preuves. On a des stories. Il n'y a pas de preuves. Ne parle pas trop vite, vraiment. Non, il n'y a pas de preuves. On a trouvé des preuves. Non, est-ce que vous voulez des preuves de Kevin Olivier qui a fêté? Je pense que personne ne les veut. On trouvera ça dans la semaine. On va très vite connaître des pas gens. De soucis. On a des agents infiltrés, évidemment. Bon, une belle matinée pop rock. Bah évidemment, avec Calogero dans un instant, avec Toto, avec Ragged Bondman, enfin plein de bonnes choses. Super, merci d'avoir été là hier, vraiment. Bravo. Bah, de rien, vraiment. Félicitations et bonne matinée avec Kevin jusqu'à midi. On revient demain, nous. Oui, à demain, bisous. Salut. Don't bury me. My demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Hey, I feel it in my heart. I'm still breathing. Through the thunder and the fire and the madness, just to let you shoot me down again. But I'm still breathing. I feel it in my veins, skin, bones, and I'm losing you, me. You're confusing every reason I have left to live. Don't bury me, don't lay me down. Don't say it's over, 'cause that would send me under, underneath the ground. Don't say Calogero, 1987 sur RTL2, le son pop rock. Tu te souviens, les couleurs sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States, 1987. C'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. We'll be right back. avec Calogero qui n'était pas à l'Elysée hier soir. Bon, d'abord parce qu'on a beau l'aimer très fort, il ne fait officiellement pas partie de l'équipe de France championne du monde. En plus, il était prévu depuis longtemps qu'il soit en concert le 16 juillet au Puy-en-Velay. RTL2.fr pour les dates de concert de Calogero qui a quelques shows prévus d'ici fin juillet. Après, ça reprendra dans les salles dès octobre pour quelques semaines avec RTL2. On vous dit tout au fur et à mesure, bien sûr, mais pour l'instant, les oreilles sont tournées vers Bad Wolves. Après Suzanne Vega, classique maison, voici Luca sur RTL2. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. Vous écoutez RTL2, c'est Kevin Olivier. Ok, on n'est que mardi, mais il y a déjà l'envie de penser au week-end prochain avec notamment le festival Lollapalooza qui sera l'événement à Paris. RTL2 sera en direct de l'hippodrome de Longchamp avec Grégory Hacher, Justine Salmon installés sur place. Lollapalooza, c'est avec Dépêche Mode cette année, Tom Walker aussi ou encore Rag & Bone Man qu'on écoute justement très vite. Rendez-vous aussi avec Toto et Jean-Jacques Goldman sur RTL2. RTL2 présente le son pop rock, le coffret best-of 4 CD. Et Tyrann, Pink, Indochine, Coldplay, Rag & Bone Man, Jane, Imagine Dragons, Maroon 5. Vendredi, envoyez RTL2 au 74 900 et gagnez notre coffret best-of toutes les 10 minutes. RTL2, le son pop rock, le coffret best-of 4 CD. Disponible vendredi. 75 centimes plus coût du SMS. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Lorraine. En Lorraine, les magasins U font confiance à la maison Pierrat depuis 1970. Le produit phare de cette charcuterie, c'est le filet mignon. Élaboré exclusivement à base de viande de porc française, délicatement frotté au sel sec et aux épices, puis fumé à basse température à la sueur de sapin des Vosges, à ce niveau-là, il est plus mignon le filet. Il est carrément canon. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, bougez plus. Prime Day, c'est jusqu'à ce soir minuit sur Amazon. Il est encore temps de profiter de ventes flash incroyables. Tentez par une tablette ou un Mac, des produits de beauté, des écouteurs ou le tout nouvel Amazon Echo. Vous trouverez des milliers d'offres sur des marques comme Bose, Huggies et Dyson, toutes réunies au même endroit. Ne manquez pas Prime Day sur Amazon jusqu'à ce soir minuit, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Pas encore membre ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Amazon Prime est gratuit pour les nouveaux membres pendant 30 jours, puis 49 euros par an. Voir conditions sur Amazon.fr. Les Ormes de Cambrasse. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil ? Les Ormes. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés ? Les Ormes. Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût ? Les Ormes. Et où tout le monde se retrouve ? Eh oh ! Sous les Ormes de Cambrasse. Les Ormes de Cambrasse, vin du Pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les Ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL2 présente Ant-Man et la Guêpe. Ça fait combien de temps que t'es redevenu Ant-Man ? Le film de super-héros de l'été avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas. Ant-Man et la Guêpe, ça c'est de l'équipe. À l'occasion de la sortie du nouveau film Marvel Studios, Ant-Man et la Guêpe, lancez la roue pop-rock dans le double expresso de l'été à 7h45 et gagnez une console PlayStation 4. Envole-toi ! Ant-Man et la Guêpe, mercredi au cinéma. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, chez Conforama, il y a 10 euros offerts en bons d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout le magasin. Oui, tout. Alors profitez-en vite, c'est seulement jusqu'au 13 août. Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Le moment Nuxe d'Hélène, pharmacienne conseil à Paris. Je suis très vigilante sur la qualité des produits. Depuis toujours, je conseille l'huile prodigieuse de Nuxe à mes clientes pour sa formation.